Alors, on va passer à la prière. On va demander à Dieu de pouvoir vivre cette parole que Marie nous a donnée aujourd'hui. Nous allons mettre dans le cœur de Marie, dans son cœur immaculé, maternel, douloureux, couronné d'épines, aussi il était paru quelquefois avec une couronne d'épines sur le cœur comme son fils. Que ce cœur qui a été transpercé par la lance et qui connaît toutes nos souffrances, toutes nos épreuves, elle l'a dit plusieurs fois, je connais vos épreuves. Moi aussi j'étais sur cette terre, je connais vos épreuves. Et Dieu sait si elle a eu sa dose. On va mettre toutes nos épreuves, nos douleurs, nos peines, nos déceptions, nos frustrations, nous allons les placer dans le cœur immaculé de Marie. Vierge Marie, nous te remercions, parce que ce soir encore, tu as été présente parmi nous. Et nous voulons te remercier parce que ta présence n'est pas seulement une présence simple comme ça, c'est une présence d'écoute. Tu as lu mieux que moi toutes les intentions qui ont été confiées sur le chat. Tu as lu celles qui sont dans les cœurs, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent le commentaire et qui n'arrivent pas à faire le chat parce qu'ils ne sont pas habitués à manipuler ces techniques-là. Donc tu as vu toutes nos prières qui sont dans nos cœurs, des prières, des cris quelquefois, des cris de détresse, des cris de douleur, des cris de « mais stoppez, stoppez, j'en peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus ». Vierge Marie, tu connais jusqu'à quel point tes enfants souffrent. Et comme tu as dit dans le message d'aujourd'hui, je vais répéter ce message, j'aurais dû mettre un commentaire, mais bon, pas tout. L'Église progresse et grandit grâce à ceux qui souffrent et endurent en silence, dans l'espérance de la rédemption finale. Je dis aussi, je m'arrive une fois, c'était pendant la guerre. Chers enfants, votre souffrance est aussi la mienne. Alors, si nos souffrances sont aussi les tiennes, nous voulons te remercier d'être une telle mère de compassion. Tu es vraiment notre refuge. Ton cœur est notre refuge. Ton cœur est cette maison de tendresse à laquelle nous aspirons. Ce cœur de tendresse sur lequel nous voulons reposer. Ce cœur que nous voulons étreindre de toutes nos forces. Parce que nous sommes encore sur la terre. Toi, tu es au ciel. Et nous sommes encore sur la terre et nous n'avons pas encore fait ce passage. Nous aspirons à ce passage parce que nous savons que nous allons te voir. Nous allons voir Jésus, ton Fils. Nous allons voir les saints, nos ancêtres. Nous allons voir enfin notre ange gardien. Face à face, nous allons le voir. Et nous aspirons au ciel, Vierge Marie. Alors prends toutes ces prières, tous ces cris, toutes ces demandes, toutes ces supplications. Prends-les dans ton cœur et présente-les à Jésus. Nous savons que Jésus ne peut rien te refuser. C'est clair. Tu ne lui as jamais rien refusé et il ne peut rien te refuser. Alors prends toutes nos supplications et présente-les à ton Fils Jésus. Vierge Marie, merci d'être notre médiatrice, d'être notre co-rédemptrice, notre avocate aussi. Merci parce que tu es une très très bonne avocate. Et je voudrais te demander la grâce que nous aussi, dans notre vie, nous soyons ton avocate. Parce que combien de fois tu es oubliée, ou tu es critiquée, ou tu es méprisée, tu es surtout oubliée. Or, tu es avec nous, chacun des hommes sur la terre est ton enfant. Et combien de fois on n'en a pas conscience, on en perd conscience et on n'en tient pas compte, alors que tu rêves de nous aider. Alors, nous voulons être ton avocate, c'est-à-dire rappeler à ceux qui nous entourent que tu existes et que tu nous aimes et que tu veux tellement nous aider. Donc, en faisant l'avocate de toi, tu vas d'autant plus, toi, te faire l'avocate auprès du Père et auprès de ton Fils Jésus, pour nos choses, pour nos intentions, pour nos besoins, pour nos cris de détresse, pour nos appels. Je voudrais te remercier, Vierge Marie, pour le travail extraordinaire que tu fais à Medjugorje, justement, d'apparaître encore aujourd'hui, en 2016, après 34 ans et plus d'apparition, 34 ans et demi d'apparition, parce que tu ne t'es pas laissé de venir au milieu, tu ne t'es pas lassé d'être au milieu de nous, de venir, tu ne t'es pas lassé, même si tes appels sont lettre morte pour beaucoup de personnes, comme tu l'as dit toi-même, beaucoup ont commencé à écouter mes messages et m'ont abandonné en cours de route. Fait que ce soit jamais notre cas, Vierge Marie. Tu as fait un bien énorme à travers Medjugorje et tu veux continuer. Et tu as besoin de nous. Aussi, nous voulons te demander de réveiller en nous la conscience que tu as besoin de nous pour que nous devenions des témoins. Nous serons témoins, Vierge Marie, en lisant la parole de Dieu, en nous en nourrissant. Nous voulons te demander, parce que beaucoup de personnes expriment cela souvent, de nous donner le goût de la parole de Dieu, de nous donner le courage de la prendre tous les jours, de nous donner le courage de la mettre dans un endroit visible dans nos maisons, et surtout de ne jamais l'oublier. Si tu as pleuré à chaudes larmes devant le Père Iozo en disant « Vous avez oublié la Bible », rien que ça, rien de savoir que tu as pleuré à chaudes larmes, doit déjà nous donner une impulsion pour que, dès ce soir, nous puissions nous endormir avec une parole de Jésus. Et comme ça, demain matin, nous aurons cette même parole dans le cœur, ou peut-être une autre, et que ainsi, de jour en jour, nous allons découvrir cette mine extraordinaire de lumière, de consolation, de sagesse, d'intelligence, d'amour qu'est la Bible. Vierge Marie, je te prie pour toutes les personnes qui ne sont pas avec nous ce soir, mais qui vont entendre la retransmission de ce direct. Nous n'avons pas connu leurs intentions, nous n'avons pas eu le chat pour ces personnes-là, mais tu connais ces milliers de personnes qui vont retrouver la transmission, qu'ils soient au Canada, aux îles de la Martinique, de la Réunion, de Guadeloupe, de la France, la Belgique, la Suisse, évidemment, tous les pays francophones. Vierge Marie, je te demande de visiter chacun. Dans ce début d'année où nous nous souhaitons à tous la bonne année, accorde-nous de nous souvenir qu'une bonne année, une année est bonne dans la mesure où nous grandissons dans la sainteté. Alors, rappelle à tous tes enfants que cette bonne année, eh bien, c'est la décision de grandir dans l'amour du Christ, de grandir dans la connaissance de sa parole, de grandir dans l'adhésion à sa parole, de grandir dans l'adhésion à sa personne. C'est bien de se souhaiter la bonne santé. Mais si on a la bonne santé du corps et qu'on n'a pas la bonne santé de l'âme, tu le sais, tu l'as dit toi-même, cela ne va pas. Accorde à chaque personne qui nous écoute faire une bonne confession en son début d'année avec de bonnes résolutions. De lire chaque jour la parole de Dieu, de la mettre en pratique, d'en parler aux autres pour être témoin. Je Marie, je te rappelle toutes les belles prières aussi qui ont été faites que ce soir, de manière particulière, que nous puissions vraiment t'aider dans tes plans de conversion. Combien ont demandé la conversion de leurs proches? Combien ont demandé la guérison? Des guérisons physiques ont été demandées. Accorde ces guérisons, Vierge. Accorde ces guérisons. Accorde ces lumières pour savoir comment se comporter. J'ai un fils homosexuel, j'ai un fils qui veut divorcer, j'ai un fils qui veut se suicider, j'ai une fille qui... Vierge Marie, tu vois dans quelle galère nous sommes en ce monde. Viens visiter chacun. Tu l'as dit au début des apparitions. S'il le faut, je viendrai dans chaque foyer. Eh bien, nous te le disons tous ensemble d'un même cœur et d'une même voix ce soir. Il le faut. Il le faut. Viens dans chaque foyer. Tu le vois toi-même. Nous sommes dans la misère morale. Viens dans chaque foyer. Nous t'attendons. Que tu sois vraiment la reine de nos foyers. Que tes paroles soient paroles de lumière, des guides pour nous. Que les paroles de ton fils soient guides. Viens dans chaque foyer et apaise nos angoisses, apaise nos peurs. Prends nos peurs, enlève-les de nos cœurs. Les voyants disent de toi que lorsque tu apparais, même s'ils ont reçu des intentions extrêmement lourdes et douloureuses, il suffit que tu apparaisses et toutes ces intentions, tous ces drames deviennent comme des petits grains de sable. Ils sont complètement diminués. Tellement tu dégages la paix et la sécurité. Tu sais qu'aujourd'hui, nous manquons de sécurité, Vierge Marie. Toi, tu es celle qui apporte la sécurité. Toi qui nous as dit, mettez mon fils Jésus à la première place dans votre vie, vous aurez un chemin sûr avec lui. Tu viens nous donner le chemin de la sécurité. Et toi-même, rien que de penser à toi déjà, rien que de penser à ton amour maternel, ta miséricorde, ta compassion, ta tendresse, rien que de penser à ça, déjà, il y a un peu plus de paix qui coule dans notre cœur. Tu es formidable, tu es vraiment la reine de la paix, la mère de la paix. Alors aujourd'hui, je voudrais particulièrement te remercier d'être parmi nous, de venir encore à Medjugorje. Continue à inviter tes enfants à Medjugorje. Même si ça coûte un peu cher le voyage, ça vaut la peine de faire cette dépense puisqu'on y gagne. On gagne tellement à venir ici. Ça change la vie. Invite tes enfants, aide-les dans leur travail, dans leurs finances, dans leur vie de famille, dans leurs choix. Aide-les à venir à Medjugorje. Et puis, une fois qu'ils sont à Medjugorje, occupe-toi bien d'eux. Je n'ai pas besoin de te le dire, tu le fais. Vierge Marie aussi, nous te demandons de porter ton Fils Jésus. Porter ton Fils Jésus de manière particulière dans nos familles, comme tu l'as donné à Noël à nouveau. Tu as porté dans tes bras l'enfant Dieu, qu'il a regardé chacun de nous. Et c'est ainsi que j'aurais terminé cette prière, que nous nous laissions envelopper par ton regard, aussi le regard de l'enfant Jésus. Ton regard du petit nouveau-né qui est notre Créateur et qui s'émerveille en nous voyant, de voir justement la merveille qu'il a créée, c'est-à-dire chacun de nous. Et donne à chacun, Vierge Marie, la connaissance qu'il est une mère. Donne à chacun de se réconcilier avec lui-même, qu'il est une créature de Dieu faite à l'image de ton Fils, l'image de Dieu, et qu'il est splendide dans le plan de Dieu, et que son rôle est important dans le plan de Dieu. Mais regarde-nous, Vierge Marie, que ton regard pénètre toutes les couches de ténèbres qui sont en nous pour arriver à ce tabernacle du Dieu vivant qui est notre âme, qui est notre esprit, pour que nous puissions revivre, que nous puissions nous réjouir. Et aide-nous aussi à nous mettre sous le regard de ton Fils, le regard d'innocence de ce petit enfant Jésus. Et son innocence va nous innocenter, c'est un mot qui n'existe pas, mais on peut le créer. Son innocence va nous rendre innocents, va nous innocenter, c'est-à-dire qu'on n'aura même plus la pensée du mal. C'est important d'être regardé par un enfant pour devenir pur. Quand Jésus nous regarde, nous devenons purs. Il faut se laisser regarder. Pierre a vu le regard de Jésus sur lui, il a pleuré son péché. Il a été purifié par les larmes de repentir, mais c'est le regard de Jésus qui a tout fait. Voilà, je vais maintenant, frères et sœurs, vous laisser sur ce regard de Jésus sur vous, ce regard de Marie. Et je vous souhaite une bonne et sainte année. Je souhaite une année 2016, vraiment, de grandir, de décoller dans la sainteté. Et ainsi, nous allons tous plaire à Dieu et consoler Dieu de tous les rejets qu'il vit en ce moment dans le monde. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère et Reine de la paix, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Enfant Jésus, roi d'amour, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, au mois prochain, le 3 février, je vous attends sur ce même écran. Rendez-vous à 9h du soir, le 3 février. Et faites passer l'information pour que nous soyons de plus en plus nombreux. Merci.